Chapitre 37e, Sir Louis quitte Greshamsbury. Janet avait été assidue auprès de Sir Louis. Elle n'avait pas dérangé sa maîtresse, mais elle n'aimait pas non plus passer le temps d'une manière bien agréable. Le docteur lui avait ordonné de rester toute la journée dans la chambre du baronnet ou de se faire remplacer par Thomas, et ses ordres avaient été ponctuellement exécutés. Immédiatement après le déjeuner, le baronnet avait demandé son domestique. « Son mot dîner doit être guéri à l'heure qu'il est, je suppose, » dit-il. « Son nez était bien malade, Sir Louis, » dit la vieille Janet, qui pensait qu'il serait difficile de décider Joey à rentrer dans la maison. « Un homme dans sa position ne doit pas se mêler de rester au lit, » dit le baronnet d'un ton dolent. « Je cherchais un domestique qui ne se casse pas le nez. » Thomas fut envoyé à l'auberge deux ou trois fois. Joey est élevé et apparemment assez bien portant dans la salle du cabaret, mais l'organe central de son visage était couvert d'emplâtre et il ne pouvait se décider à paraître dans ce piteux état devant son vainqueur. Sir Louis demande alors à Janet de lui apporter un chasse-café. « Du café autant que vous en voudrez, » lui répondit-elle, « mais sans eau de vie. » Le docteur avait prescrit que le baronnet prendrait un verre de vin de Porto à midi et un autre à 3 heures. « Peu m'importe ce qu'il a prescrit, » dit Sir Louis, « envoyez-moi mon domestique. » On fit de nouveau demander Joey, nouveau refus de se montrer. « Je désire avoir une bouteille qui est dans cette malle, là-bas, » dit le baronnet, « donnez-la-moi. » Mais Janet était décidée à ne pas se laisser imposer par Sir Louis. « Je ne puis donner, » répondit-elle, « que ce que le docteur a prescrit. Il faut attendre son retour. » Sir Louis pesta et jura tant qu'il put. Il but cependant ses 2 verres de vin, mais pas un de plus. Une fois ou deux, il essayait de se lever et de s'habiller. Il reconnut qu'il ne pouvait le faire sans le secours de Joey. Le docteur le trouva donc encore au lit. « Vous saurez, docteur, lui dit-il en le voyant entrer, que je n'entends pas être tenu prisonnier ici. »« Prisonnier, non, certes. C'est tout comme à présent. Votre servante ici, cette vieille femme, ose me dire qu'elle ne fera rien sans vos ordres. Elle a parfaitement raison. »« Raison ? Je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais vous ne ferez pas de moi un enfant. Ne vous l'imaginez pas, docteur. » Une longue querelle fut suivie d'une espèce de raccommodement. Le baronnet insista pour aller à Boxall Hill, parce que le docteur s'y opposait. Mais il n'avait pas encore relancé le squire, ni sa façon de penser à M. Gatsby, et il tenait à le faire avant de retourner chez lui. Il finit donc par se décider à ne partir que le surlendemain. « Soit, dit le docteur, si vous êtes assez bien. » « Assez bien, » dit Sir Louis d'un air moqueur. « Je ne vois pas ce qui pourrait me rendre malade. Ça ne sera certainement pas de boire trop ici. » Le lendemain, l'humeur de Sir Louis, bien que différente, n'en fut que plus pénible pour le docteur. Son abstinence forcée avait sans doute amélioré son état, mais il faisait encore pitié à voir. Il avait demandé en pleurant son domestique, comme un enfant pleure pour avoir sa bonne, jusqu'à ce que le docteur fût allé lui-même chercher Jonah au cabaret et lui ramener avec lui. Mais Jonah ne fut pas d'un grand secours à son maître. Il ne put lui apporter ni vin ni spiritueux, et quand il chercha la cave à liqueur, il s'aperçut qu'on l'avait fait disparaître. « Je crois que vous désirez me faire mourir, » dit Sir Louis au docteur lorsque celui-ci, assis près de son lit, essayait pour la 100e fois de lui faire comprendre qu'il ne lui restait plus qu'une chance de vivre. « Je fais ce que je puis pour prolonger votre vie, » répondit le docteur d'une voix calme. « Tant que vous serez dans ma maison, vous n'aurez certainement pas les moyens de vous détruire. Vous feriez mieux de rester ici. Une semaine ou une dizaine de jours de cette vie sobre et régulière pourraient peut-être vous rétablir. » Sir Louis déclara de nouveau que le docteur désirait sa mort et parla même de faire venir Finney, son attorney. « Faites-le venir, si vous voulez, » dit le docteur. « Cela vous coûtera 3 ou 4 livres sterling. Il n'en résultera pas d'autres inconvénients. » « Et j'enverrai chercher Philgrave, » dit le baronnet. « Je ne veux pas mourir ici comme un chien. » Il était certainement pénible pour le docteur d'être obligé de donner non seulement l'hospitalité à un pareil hôte, mais encore de lui prodiguer presque les soins d'un père. Il n'avait pas d'autre alternative, c'était un devoir qu'il avait accepté et qu'il devait remplir jusqu'au bout. « Je ne spéculerai jamais sur la mort d'un homme, ni pour moi ni pour les autres. » s'était-il répété 100 fois, tout en s'accusant de calculer les chances de fortune que la mort plus ou moins retardée de Sir Louis pouvait apporter à sa nièce bien-aimée. Sir Louis lui-même provoquait, sans le savoir, cette réflexion dont le docteur Thorne ne faisait confidence à personne. « Voyons, docteur, lui dit-il plus tard dans la journée, lorsqu'il retourna auprès de lui, vous ne pensez pas réellement que je sois en danger. » « Je vous ai parlé comme je devais le faire, répéta le docteur. Je pense que vous vous tuerez si vous continuez la vie que vous menez depuis quelque temps. Comment diable, docteur, se fait-il qu'il y ait des individus qui en ont fait 10 fois plus que moi et qui ne meurent pas pour cela? Allons, voyons, je crois que vous cherchez à m'effrayer, n'est-ce pas? Je cherche à faire tout ce que je puis pour votre bien. Eh bien, mon cher docteur, je vous crois sincère, et je vais vous faire plaisir. Puisqu'il le faut, je vous promets de me réformer tout de bon. Oui, docteur, me réformer tout de bon. J'ai assez de mes amis de Londres. Je sais quelle espèce d'amitié ils ont pour moi. Quittez donc Londres et fixez-vous à Boxall Hill. Faites-vous gentilhomme campagnard. Occupez-vous d'agriculture. Soit, docteur. Je le veux bien, mais à une condition. Le docteur prêta l'oreille, ne voulant s'engager à rien avant de connaître la nature de cette condition. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit un jour ? Continua le baronnet. Je ne me le rappelle pas en ce moment. À propos de mariage, vous savez. Le front du docteur se rembrunit, et il voulut couper court à cette nouvelle proposition de Sir Louis. Pas un mot de plus sur ce sujet, je vous en prie, lui dit-il. Vous êtes le bienvenu dans ma maison tant qu'il vous plaira d'y rester, mais je désire que ma nièce ne soit pas tourmentée. Je ne puis rétracter ce que je vous ai déclaré, ce mariage est impossible. Et le docteur sortira. Ce fut la dernière tentative de Sir Louis, qui oublia à la fois Marie et ses projets de réforme, quand, le jour suivant, il se sentit assez rétabli pour pouvoir reprendre ses airs fanfarons. Il pesta contre Janet, insista pour être servi par son propre domestique, demanda impérieusement, mais en vain, qu'on lui rendît sa cave à liqueur, et commanda des chevaux de poste pour le lendemain matin. Le lendemain, il se leva et dîna dans sa chambre. Mais il contremanda les chevaux de poste en donnant pour motif qu'il avait quelques petites affaires à terminer avec le squire avant de quitter Grashamsbury. Ce ne fut pas sans difficulté que le docteur lui fit comprendre que le squire ne consentirait pas à traiter d'affaires directement avec lui. Il fut enfin décidé que M. Gatsby serait invité à venir lui parler chez le docteur, et M. Gatsby y consentit pour épargner à la famille du manoir l'ennui de recevoir le baronnet. La veille de la visite de M. Gatsby, Sir Louis condescendit à dîner dans la salle à manger. Il dîna cependant en tête-à-tête avec le docteur. Mary était absente, il ne fut pas question d'elle, Sir Louis ne devait plus la revoir. Il se montra encore très insolent pendant la soirée. Il avait repris les grands airs qui convenaient, pensait-il, à un homme de son rang. Mais il remonta bientôt dans sa chambre et Joey assista enfin à son coucher. Le lendemain, les chevaux de poste étaient commandés pour 3 heures. M. Gatsby se présenta à 2 heures et demanda à parler au baronnet. « Ah, je suis enchanté de vous voir, M. Gatsby, » dit Sir Louis, en jouant de son mieux le riche personnage. « Je désire vous faire quelques questions. »« Je suis venu pour y satisfaire, si cela m'est possible, » dit M. Gatsby. « Quoique je ne vous cache pas que s'il s'agit d'affaires, il serait plus convenable de les laisser traiter par votre homme de loi. » Les hommes de loi font très bien les choses, j'en conviens, et j'en ai un, Monsieur Gatsby, qui passe pour très retors. Vous connaissez peut-être Fenny ? Monsieur Gatsby répondit d'un air dédaigneux qu'il n'avait pas ce plaisir, Monsieur Fenny n'étant pas dans la même partie que lui. Bien, vous ferez connaissance avec Fenny, et grâce à lui, j'espère obtenir bientôt ce que vous appelez un jugement de forclusion, à moins qu'on ne me propose quelque arrangement qui me convienne. M. Gatsby déclara qu'il n'était muni d'aucune autorisation à cet égard, et il prit congé du baronnet. À 3 heures, Sir Louis partit pour Boxall Hill, transférant des épaules du docteur sur celles de sa mère la triste tâche de surveiller les progrès de son succès. Lady Scatcherd entrait pour peu de choses, ou pour mieux dire, pour rien, dans le projet de séjour à la campagne de Sir Louis, et il ne fit pas plus grande attention au docteur en quittant Grashamsbury. S'enveloppant de nouveau dans ses fourrures et d'un pas chancelant, il monta dans sa voiture. « Mon domestique est-il sur le siège de derrière ? » demanda-t-il à Janet, tandis que le docteur restait devant la grille du jardin pour lui faire ses adieux. « Non, monsieur, » répondit respectueusement Janet. « Alors envoyez-le chercher, je ne puis perdre mon temps ici toute la journée. » « J'irai vous voir à Boxall Hill, » dit le docteur, dont le cœur, au moment de la séparation, s'attendrissait pour cet infortuné jeune homme en dépit de sa brutalité. « Je serai charmé de vous voir si vous voulez y venir, naturellement, c'est-à-dire comme visite. Quant à un médecin, si j'en ai besoin, je ferai venir Philgrave. » Telles furent ses dernières paroles au moment où la chaise de poste s'éloignait à grand bruit. En rentrant dans la maison, le docteur ne put s'empêcher de sourire en pensant au docteur Philgrave.